Bon, ben voilà, il y a eu un sacré débat hein, sur les crêpes, les galettes, et toutes ces conneries celtiques. Que dire de plus chez nous? Bon, ben voilà, le Morbihan, c'est un nom breton. On est le seul département breton à ne pas avoir changé de nom, changé par la langue française. On a gardé l'origine de notre petite mère. Donc à partir de là, je pense que ça peut légitimer un minimum nos connaissances dans le domaine. Puis bon, inutile de rappeler qu'il y a le festival interceltique et toutes ces petites choses qui vont avec. C'est des petits détails peut-être, certes, mais bon, pour nous, voilà, c'est ce qui légitime un peu tout ça. À savoir que la crêpe, c'est nous, quoi. Il n'y a pas tortiller du cul hein, pour chier droit. Comme disaient les Français, la crêpe c'est nous, quoi. Y a pas... Voilà, on met du jambon, un œuf, du beurre, beaucoup de beurre. Puis voilà, du Saint-Doux sur le bic, et puis hop, on envoie la sauce, quoi. Pas besoin de terre, pas besoin de terre, de... Pas besoin de terre, de... Pas besoin de parler, quoi. Hein, voilà, il suffit de venir chez nous et goûter ça, quoi.